la trouve à Montparnasse, à soir dans une boîte un peu louche. Elle me dit chérie fais-moi lancer, colle ta bouche sur ma bouche. T'apprends, je la regarde dans la cité, on se sent j'étais en bas. Après dans le taxi, là que je me retrouve dans son lit, ça va aller. Chérie, ça va trop vite. J'ai pas dormi la nuit, je suis pas rassé, je suis fatigué. J'ai l'air d'un abruti, la tête enfouie sous l'oreiller. Elle me grimpe sur le dos et me dit chérie, il est tôt. Fais-moi encore l'amour, moi les gars, j'en peux vraiment plus, ça va vite. Chérie, ça va trop vite. Ça va vite, vite, vite, vite. Ça va vite, vite, vite, vite. Ça va vite, chérie. Ça va trop vite. Deux jours de nuit dans ton lit, baby, serre-nous un whisky. D'Amsterdam à Saint-Trope, j'ai jamais vu une fille comme toi. Tu ris, tu chantes, tu griffes, tu manges, tu dis que c'est pas possible. Et plus je te regarde, plus j'ai envie de te regarder. Ça va vite, chérie, ça va trop vite. Ça va vite, vite, vite, vite. Ça va vite. T'es chouette, t'es bien fichu dans ton Lewis. T'as une touche à faire la nuit, moi j'ai envie de t'épouser. Pour toi demain matin, baby chéri, je m'en vas sur la route. Et d'ici qu'on se retrouve, sur tu m'auras trompé 20 fois, ça va vite. Chérie, ça va trop vite. Ça va vite.